Bonsoir à tous. C'est le moment de suivre la dernière édition en français dont les grands titres sont les suivants. Une école technique moderne d'Ongodi va occuper 20 maisons d'une valeur de 800 millions qui ont été données par Sogea Satom. Le président du conseil communal de Ruhororo demande l'électrification de cette commune. L'association FENADEB lance un appel à la justice de suivre de près le dossier d'un enseignant qui est soupçonné d'avoir abusé sexuellement 19 fillettes dans la province de Gitega. Vous entendrez dans ce journal le secrétaire de la FENADEB. Le reportage d'aujourd'hui nous conduira dans la province de Chibitoke, précisément le village de Pedo Karurama, où les habitants demandent des espaces cultivables pour faire vivre leur famille. Et en international au Maroc, c'est l'adoption aujourd'hui d'un acte constitutif de l'Union africaine, alors que cela fait 3 mois que ce pays est sans gouvernement. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal qui vous est présenté par Alida Daikeza et Metoussa Mitevouti assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Le ministère de la Solidarité fait savoir qu'il est en train de collecter une assistance pour venir en aide à la population des différentes provinces du pays où il s'observe des cas de famine. Le ministre de la Solidarité indique qu'au niveau du budget général de l'État, il y a une rubrique consacrée au niveau de l'assistance humanitaire. Martin Niviabandi a en outre fait savoir que l'insécurité alimentaire qui s'observe dans le pays et la conséquence du changement climatique. On l'écoute. C'est l'insécurité alimentaire qu'on observe dans certaines régions, dans certaines provinces, c'est la conséquence des phénomènes de changement climatique et le Nino et la Nina. Et on a remarqué qu'il y avait dans certaines régions, on avait connu une pluviométrie très abondante qui malheureusement détruit les cultures. Mais aussi après est venue une sécheresse plongée qui a aussi détruit les cultures. Et au niveau du ministère en charge de l'assistance sociale, et bien aussi tout le gouvernement, puisque c'est un travail qu'on fait en réseau, on est en train d'organiser l'assistance au niveau de la population. Et nous avons déjà eu toutes les données. Nos équipes ont travaillé avec l'administration à la base, avec les gouverneurs de province et les administrateurs communaux. Nous avons identifié les collines qui ont été les plus touchées et nous pensons que d'ici peu, l'assistance sera apportée à ces populations victimes des phénomènes, des changements climatiques. Mais nous incitons plus la population à s'entraider dans le cadre de la solidarité communautaire. Mais le problème pour le moment, c'est qu'il y a un grand nombre de provinces qui est touché. Nous travaillons de concert avec les différentes organisations qui sont concernées. D'ici prochainement, vous allez voir que les populations seront assistées. Mais aussi, il y a des pays qui ont répondu à l'appel que le gouvernement avait lancé l'année passée. Le gouvernement chinois qui devait nous donner la aide. Nous pensons que les premières lots seront livrées avant la fin de ce mois. Tout en vous faisant connaître qu'au niveau du budget général de l'État, il y a une rubrique qui est consacrée à cela, au niveau de l'assistance humanitaire. En l'occurrence aussi, nous allons acheter des vivres, nous allons accélérer les procédures au niveau des marché public pour que ces populations soient assistées dans les meilleurs délais. C'était le ministre de la Solidarité, Martin Niviabandi. Je vous le disais dans les titres, l'association FENADEB, œuvrant pour la défense des droits de l'homme, appelle les parents à suivre de près l'éducation de leurs enfants scolarisés. Il réagit après avoir pris connaissance d'un cas d'un enseignant qui aurait abusé sexuellement une dizaine de fillettes de la 4e année primaire au chef-lieu de la province Gitega. Ferdinand Simbaruhidje, le secrétaire général de la FENADEB demande à la justice de se pencher au plus tôt sur ce dossier et punir exemplairement le coupable. Suivez-le, les propos sont recueillis par Léonce Vitaliro. Ce que nous demandons au niveau de la FENADEB, nous demandons que ce dossier soit vraiment bien étudié, que les magistrats d'abord essaient de voir tous les indices, que tous les chemins soient empruntés pour trouver vraiment la vérité. Et cela, nous demandons que cela soit fait dans les meilleurs délais. Pour nous, c'est quand même des actes qu'il faut vraiment bannir dans notre pays. Quel genre de sanctions qui seraient réservées à des personnes coupables de tels actes? Le magistrat, de toute façon, il interroge la loi. Il y a quand même ce que la loi prévoit au niveau des sanctions. Mais pour nous, un enseignant vraiment qui ose commettre un tel crime, pour nous, c'est une pas vraiment digne de son nom. Il ne devrait même pas rester enseignant pour nous, il devrait être rayé de la liste des enseignants. Il faudrait même que son diplôme soit même annulé. En fait, en faisant des actes du genre, pour nous, il serait en train de tuer ses enfants. Donc, pour nous, c'est vraiment dangereux. Si vraiment la justice parvenait à établir vraiment cette responsabilité, nous voulons vraiment qu'il soit exemplairement puni. C'est un danger public. Et l'appel que vous pourriez lancer aux parents et aux enseignants, éducateurs? Vous savez, par le passé, c'était vraiment très difficile d'approcher un enseignant. On se rencontrait juste en classe, seulement, il n'y avait vraiment pas de cadre de rencontre. Maintenant, je crois que les enseignants devraient savoir à quoi ils se sont engagés. Ils se sont engagés à éduquer. Donc, pour nous, il faut vraiment que les enseignants essaient d'éviter vraiment de faire du mal aux enfants qui devraient éduquer. Et les parents? Pour les parents, nous demandons que les parents essaient de trouver un cadre d'échange, un cadre de dialogue avec leurs enfants pour leur montrer les bons chemins à suivre, dialoguer, prodiguer des conseils constructifs. Page commerce à présent, la mesure récemment prise par le gouvernement d'empêcher l'exportation des vivres n'a pas facilité la tâche aux femmes qui font le petit commerce transfrontalier. C'est du moins les propos d'Ogo Delive Manilakiza, représentante légale de l'Association des femmes rapatriées à Frabon en sigle. Elle appelle les femmes commerçantes à chercher d'autres opportunités et rassure que cette mesure est temporaire. Écoutez plutôt Ogo Delive Manilakiza, représentante légale de la Frabou, au micro de Médard. Cette mesure prise par l'État de diminuer ou d'empêcher l'exportation des vivres, c'est vraiment une mesure qui n'a pas facilité les choses. Mais nous les sensibilisons, ces femmes, mais nous leur disons qu'il faut chercher d'autres opportunités. Cette mesure est temporaire. Nous croyons qu'un jour, cette mesure sera levée et les femmes vont continuer à vaquer de leurs occupations en vendant aussi les vivres une fois la mesure levée. Mais compte tenu de cette mesure, nous les encourageons quand même à exploiter d'autres opportunités, à varier leurs produits. Ce ne sont pas seulement les vivres qu'elles peuvent vendre, elles peuvent vendre autre chose. Et c'est vrai, elles allaient en RDC, elles apportaient des vivres et elles revenaient au Burundi avec d'autres marchandises, mais dans la sensibilisation que nous faisons, nous les encourageons à saisir d'autres opportunités, à innover, à changer les produits, à modifier les produits pour que ces femmes restent dans leur métier. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons sécurité routière à présent. L'Observatoire pour la sécurité routière demande la proclamation de la tolérance zéro contre les récalcitrants au code routier. Le représentant légal de cette organisation constate qu'il y a ces derniers jours recrudescence des accidents routiers qui causent tant les dégâts humains que matériels. Nixon Rabonimana fait cette déclaration après que 6 personnes aient péri dans un accident de roulage sur la route Bujumbura-Bugarama. Mais aussi, des cas d'accidents sont aussi signalés à Bujumbura ainsi que dans d'autres provinces du pays. Suivez Nixon Rabonimana. C'est vrai, ces derniers jours, les routes burundaises sont synonymes au véritable abattoir et vis-à-vis du nombre croissant de personnes qui perdent leur vie à la suite des accidents dont la plupart pouvaient être évités. Il est vrai, on dit qu'un accident, que c'est un événement qui survient comme ça, mais on doit bien savoir que la plupart d'accidents de la route sont évitables. Évitables comment? Il faut appliquer les règles de prudence. Ce qui est vraiment navrant, c'est que la plupart de ces véhicules, surtout de l'armée, sont exonérés aux infractions routières. Et là, nous constatons qu'il y a un grand sans-voix. Il faudrait qu'il y ait tolérance zéro sur les routes du Burundi. Il ne faudrait pas que la police contrôle uniquement les véhicules des privés. Il faut aussi que les véhicules de la police, les véhicules de l'armée. Et aussi, il faudrait bien noter, quand les véhicules sont bien contrôlés, ce sont des vies humaines qui sont sauvées. Aussi, il faudrait que la loi vraiment soit respectée. Il y a la loi sur la circulation routière et n'est pas respectée, disons, à plus de 90%. Continuons ce journal par un tour pour avoir des informations dans les provinces où à Kayanza, deux matelas et tout le matériel de quatre élèves occupant une des chambrettes du lycée Kayanza ont été réduits en cendres au cours de cette nuit. À l'origine de l'incendie, c'est un court-circuit survenu dans cette chambrette vers 20h au moment où les élèves étaient en étude du soir. La police de la protection, est vite intervenue et aussitôt maîtrisé le feu avant qu'il ne fasse tache d'huile. Continuons ce journal en nous rendant à Ngozi où un don de la société de construction Sogeas Atom de 20 maisons d'une valeur de plus de 800 millions de francs burundais a été donné à la commune Ruhororo de la province Ngozi. Ces locaux qui servaient de bureau de cette société ayant bitumé la RN15 Ngozi-Gitega abriteront dès la prochaine année scolaire une école technique moderne. Reportage d'Apollinaire Muzagara. Ces maisons ont été construites par cette société tout près du bureau communal Ruhororo avant le début des travaux de bitumage de la RN15 reliant les provinces Ngozi et Gitega. Sogeas Atom a cédé officiellement ses locaux d'une valeur de plus de 800 millions de francs bou à la commune Ruhororo Sogeas. Le gouverneur de la province Ngozi et l'administrateur de cette commune ont révélé que ces maisons, après leur transformation, vont abriter une école technique moderne. Le président du conseil communal de Ruhororo, Emmanuel Habimana, par le biais du ministre des Transports et des Travaux Publics qui avait pris part dans ces cérémonies, demande au gouvernement l'électrification de cette commune pour que cette école technique moderne soit fonctionnelle au début de l'année scolaire prochaine 2017-2018. Cette école occupera les jeunes de cette commune et des environs et même de tout le pays, indique tous ceux qui ont pris la parole. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sangani. À la source, reportage. Le reportage de ce soir nous amène dans le village de paix de Karurama de la commune Rugombo en province Cibitoke où les habitants disent éprouver des difficultés pour survivre. Ils réclament des terres cultivables, particulièrement les Batois qui y vivent. Ils indiquent que la matière première qui est l'argile est actuellement difficile à trouver. Mireille Kanyange. Nous sommes dans le village de Pedokarurama où cohabitent les Hutus, les Tutsi et les Batois. Cette troisième catégorie de Burundais vivent de la poterie, mais il leur est difficile de trouver de l'argile. Celle-ci nous indique en outre la façon de l'obtention de ces marmites en argile. On vole l'argile dans les terres d'autrui, ainsi on se met à travailler. Au fait, c'est un métier que nous apprenons de nos anciens. Une fois grandi, on se met à apprendre tel un enfant qui apprend à cultiver. Tu t'approches de ta maman qui te montre comment faire ce métier. Ainsi, tu prends un morceau de peau pour apprendre à faire de la poterie petit à petit. Donc, on commence par fabriquer en petit pot jusqu'à ce qu'on apprive à fabriquer en gros. Ces marmites ne sont plus achetées comme avant quand, disent-ils, les casseroles sont beaucoup plus utilisés. Ce qui attriste les habitants de ce site, ce sont des associations qui dressent des listes arguant qu'elles vont les aider, mais en vain. Désormais, que personne ne revienne pour nous demander ce qu'ils veulent en écrivant les noms et ceux de nos enfants. Cette association chrétienne est venue avec force et nous a dit de creuser les compostières, qu'elle va amener nos enfants à l'école, qu'elle a vu que ses enfants sont inoccupés. Ils ont dit franchement, bonjour, le développement. Un autre problème soulevé par ces habitants du site de Karurama, c'est le manque de terres cultivables. Cette question foncière est connue des autorités provinciales à Cibitoke, affirme Saïdi Anse, conseiller principal du gouverneur de Cibitoke. Effectivement, dans notre province de Cibitoke, nous avons deux sites, site Karurama et Gateri, où il y a un bon nombre de gens qui sont dans ces sites. Parmi ces gens-là, il y a une catégorie de gens qui ont des origines, les communes ou les provinces d'origine et d'autres pratiquement qui ne savent pas communes ou les provinces d'origine. Et pour ces gens qui ont des provinces ou communes d'origine, nous leur demandons de retourner dans leurs communes respectives. Les occupants de ce site demandent aux autorités de les aider à trouver solution à ces défis. Mmh. mais c'est sur le www.isanganiro.org. Et pour terminer ce journal des brèves en international, le président guinéen Alpha Condé est arrivé ce vendredi en Gambie, accompagné de son homologue mauritanien, pour une médiation de la dernière chance auprès de Yahya Jammeh, qui refuse toujours de quitter le pouvoir. En cas d'échec, la CEDEAO aura recours à la force. Une opération militaire ouest-africaine a d'ailleurs été déclenchée jeudi en fin de journée et n'est que suspendue ce matin dans l'attente du résultat des ultimes pourparlers. À 14h, l'ultimatum de la CEDEAO avait été prolongé jusqu'à 16h, temps universel, afin de laisser plus de temps à la médiation d'obtenir le départ de Yahya Jammeh. Ensuite, à 15h, selon une source proche de la CEDEAO, l'ultimatum a été suspendu un instant, le temps de permettre à Yahya Jammeh d'assister à la prière du vendredi. Les discussions devaient reprendre ensuite. Il n'y a pas d'horaire défini pour qu'elles prennent fin. Et à 15h30, selon une source onusienne, si Yahya Jammeh accepte de quitter le pouvoir ce vendredi, la passation avec Adama Barrow pourra se faire ce soir. Et cela va faire 10 jours avant le sommet décisif d'Addis Abeba. Le Maroc ratifie l'acte constitutif de l'Union africaine qui est un préalable à l'adhésion du royaume à l'organisation. 33 ans après avoir quitté l'Union africaine, le Maroc n'a jamais été aussi proche de réintégrer l'organisation. Le projet de loi approuvant l'acte constitutif de l'Union africaine avait été adopté à l'unanimité mercredi par la Chambre des représentants, puis jeudi par la Chambre des conseillers, la seconde chambre du Parlement, alors que le pays est sans gouvernement depuis 3 mois. Il a donc pu être ratifié vendredi par Rabat, 10 jours avant l'ouverture du sommet d'Addis Abeba. L'élection du président de la Chambre des députés, avant même la formation du gouvernement, est une situation presque inédite dans la vie politique marocaine et a été dictée par le calendrier diplomatique du royaume. Cause d'intérêt national, le retour du Maroc dans l'Union africaine est considérée comme une priorité et le roi Mohamed VI avait appelé le gouvernement à accélérer la ratification de l'acte constitutif de l'organisation en vue du sommet d'Addis Abeba. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal, mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. Une école technique moderne de Ngozi va occuper 20 maisons d'une valeur de 800 millions qui ont été données par ce GSATOM. Le président du conseil communal de Ruhororo demande l'électrification de cette commune car les élèves vont commencer à occuper les lieux prochainement. L'association FENADEB lance un appel à la justice de suivre de près le dossier d'un enseignant qui est soupçonné d'avoir abusé sexuellement 19 fillettes dans la province de Gitega. Le reportage de ce soir nous a conduit dans la province de Chibitoke, précisément le village de paix de Karurama, où les habitants demandent les espaces cultivables pour faire vivre leur famille. Merci pour votre attention. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa collaboration technique. Bonne nuit à tous. Thank you.